Salut, vous êtes toujours sur Radio Cayenne et maintenant on va parler de Karl Marx parce qu'en fait, alors on parle de Karl Marx, on pourrait en parler comme ça, hein, puisque bon, c'est quand même cool, mais on va en parler parce qu'il y a une raison de l'actualité, parce qu'en fait récemment, la République populaire de Chine a donc produit un anime en fait, un dessin animé donc sur la vie de Karl Marx et donc ils ont mis ça sur leur plateforme et et donc je voulais parler de ça un petit peu. Donc ce truc-là, en fait, ça s'inscrit dans, dans une démarche de la République populaire de Chine d'essayer de familiariser leur population, et notamment la population jeune, avec Karl Marx et ses théories, puisque officiellement, la Chine donc, se considère comme une dictature du prolétariat. Donc pour eux, ils sont complètement dans le marxisme, en fait. Sauf que bon, une fois que les gens ils auront lu Marx, ils se rendront compte que c'est pas trop ça en fait. Donc bon, peut-être qu'ils se tirent un peu une balle dans le pied en faisant ça, on ne sait pas. Du coup oui, c'est le président chinois dont je n'ai pas le nom sous les yeux. Voilà. Est-ce que tu peux me le redire s'il te plaît? Xi Jinping. Alors c'est très dur à prononcer. Radio Kalien ne parle pas encore chinois. Donc bref, le... ni dans les micros exactement. Et donc du coup le président a déclaré il y a pas longtemps qu'il fallait que chaque citoyen chinois se familiarise avec Marx et avec sa vie, et donc ils ont mis en place plusieurs choses pour ça. Donc ils ont notamment mis, là en fait c'est le 200e anniversaire de la naissance de Karl Marx, et c'est pour ça qu'ils ont fait Karl Marx joyeux anniversaire. 200, ça fait beaucoup de bougies. Bon bref, du coup ils ont mis tout un tas de choses en place. Par exemple, ils ont fait une émission qui s'appelle Karl Marx a raison, sur le qui sont en fait des interventions donc d'intellectuels sur des théories marxistes en fait. Et ils ont donc également fait donc cet animé qui est produit par, enfin qui est dans lequel sont impliquées plein de branches du gouvernement chinois, comme par exemple alors il y a le bureau de la propagande. Alors attendez. Le bureau de la propagande, le bureau de la Ligue communiste de la jeunesse, l'Académie chinoise des sciences sociales, et donc en gros, c'est vraiment un produit de l'État, quoi. Donc ça a suscité pas mal de réactions. Il y a notamment un article du Figaro qui nous dit Karl Marx, héros d'un dessin animé de propagande en Chine. Alors bon, donc l'article explique un petit peu ce que je viens de vous expliquer. Et il explique aussi comment c'est pas bien la propagande et visiblement pense qu'on n'a pas du tout de propagande chez nous et que c'est un truc qui est réservé à des États qui ne sont pas du tout démocratiques et donc qui sont des méchants communistes. Sachant que chez nous aussi, on a des services publics, donc France Télévisions par exemple, qui, donc je le rappelle que le président de France Télévisions, il est nommé par le CSA, dont le président est nommé directement par le président de la République. Donc bon, et donc ces chaînes de télévision publique produisent régulièrement des téléfilms, souvent, parfois documentaires, parfois de fiction, sur des grandes figures politiques. Par exemple, on a eu des films sur Jules Ferry, des films sur Jean Moulin, des films sur Charles de Gaulle, et on a des films aussi sur les présidents de la République française, comme par exemple il y avait un film sur la mort de Pompidou, un film sur Mitterrand. Bon, ça arrive quand même régulièrement qu'on ait ça, quoi. Donc est-ce que c'est plus ou moins de la propagande que cet anime sur Karl Marx? Bon, je ne sais pas. C'est aussi intéressant de regarder les diverses réactions des gens en ligne, puisque en fait la Chine a mis cet anime en ligne. C'est pas diffusé sur une chaîne de télé, ils l'ont mis en ligne sur leur plateforme vidéo, donc qui est l'équivalent de leur YouTube, puisque les Chinois n'ont pas accès à Internet en dehors de ce qui est autorisé par le gouvernement. Et donc c'est assez marrant de voir les réactions des gens en ligne. Il y a des gens qui si on regarde les commentaires sur les vidéos, il y a des gens qui font quoi, un dessin animé sur Karl Marx, bientôt ils vont en faire un sur Hitler et tout. Donc ça montre que les gens n'ont pas non plus une super connaissance de Karl Marx. Voilà, donc alors moi j'ai regardé le premier épisode, donc je peux vous résumer un petit peu je peux vous résumer un petit peu l'intrigue. Donc en fait c'est surtout un anime. L'intrigue principale c'est alors déjà Karl Marx, visuellement ils l'ont transformé en un superbe jeune homme un superbe jeune premier. C'est assez marrant, je vous conseille d'aller regarder en ligne. C'est plutôt il est plutôt charismatique comme ça, notre jeune Karl. Et donc c'est au début de sa vie, donc là il sort juste du lycée et donc il va partir faire ses études donc de philosophie ailleurs en Allemagne, à Trèves. Ouais, ça, il va partir faire ses études à Trèves et donc il est triste parce que il dit au revoir à sa copine Jenny von Westphalen. Qui se fait draguer par des méchants nobles, et du coup il est en colère contre les méchants nobles et tout. Donc il part faire ses études de philo à Trèves, et donc là, alors c'est très court, c'est assez marrant. Il part à Trèves, il commence ses études, il nous balance deux ou trois phrases sur la philosophie de Kant, et après il s'embrouille dans une auberge avec des gars qui font un peu les comment on dit? Pour ceux qui embêtent les autres, quoi, et qui essayent de casser. Ouais, voilà, les kékés. Et donc, Karl Marx, il arrive contre la veuve et l'orphelin pour défendre les gens qui se font embêter. Et là, il leur sort de la rhétorique kantienne et tout, en mode oui, la morale kantienne, l'universalisme et tout ça. Et donc là, ça les calme, mais d'une force. C'est étrange, hein, mais bon, ça marche. La prochaine fois que vous faites agresser dans un bar, vous pouvez essayer de leur parler des impératifs moraux de Kant. Je ne sais pas si ça va marcher. Et alors, du coup, ça marche. Et donc, du coup, il se fait plein de copains. Et là, il fait « Allez, tournez pour tout le monde !» Parce qu'il est comme ça, le Karl. Et du coup, juste après ça, ça coupe. Il y a le père de Karl Marx qui arrive dans sa chambre et qui lui fait « Non mais Karl, c'est n'importe quoi !» Regarde, avec les coups que t'as payés à tes potes, ça me coûte trop cher !» Donc du coup, tu vas aller faire des études à Berlin. Donc le Karl Marx, il devait en payer des coups, hein. Donc après, il part à Berlin. Et alors là, ils étudient pas Kant, ils étudient... Zut. Oui, Hegel, merci, la dialectique. Donc ils étudient Hegel. Et donc là, Karl Marx, il a une révélation. Il fait, oh mon Dieu, la dialectique, c'est trop bien, j'ai compris la dialectique. Il sort dans la rue, il court et tout, il fait la dialectique. Et enfin, visiblement, il est très content. Et alors, il est tellement content qu'il va rencontrer son pote qui fait de l'escrime. Et là, donc Karl Marx, il y a une scène avec Karl Marx qui fait de l'escrime. C'est génial, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, donc il explique en faisant de l'escrime qu'il est tellement content que d'avoir compris la dialectique de Hegel et que ça change complètement sa vision du monde. Et donc l'épisode se termine là. Et donc en fait, ça laisse une impression assez étrange parce que donc cet animé qui est censé être une œuvre qui va expliquer la philosophie de Karl Marx, en fait, ça centre plus sur le. Ça cherche plus à romanticiser, rendre sexy, en gros, Karl Marx, et en faire un espèce de héros plutôt que d'expliquer sa philosophie. En dehors de deux, trois phrases balancées presque sans contexte sur les philosophies de Kant et Hegel au milieu de l'épisode, bah, on en apprend. Ouais, pour faire des battles, pour faire le malin, en plus, presque. Ben on n'en apprend pas beaucoup sur sa pensée, quoi. Peut-être que dans le prochain épisode, ça va s'améliorer, on ne sait pas. Ah bah, peut-être, je vous raconterai la suite des aventures de notre cher Karl. Donc voilà, après moi, là, ce que j'aimerais bien faire, c'est vous faire écouter le générique de fin de l'anime, mais il va falloir qu'on fasse quelques branchements pour ça. Je vais donc joyeusement passer le micro à ma camarade qui va meubler. Ouais, moi j'ai regardé cet épisode avec toi, Milou, et alors c'est extrêmement drôle. Alors, niveau esthétique, les chara-design, c'est-à-dire la manière dont étaient designés les personnages, et somme toute assez jolis, même si pas super réalistes, ça correspond pas mal aux stéréotypes des personnes européennes qu'ont, comment dire, les personnes asiatiques qui font de l'animation. Comment dire, quasiment tous blonds avec des grands yeux bleus, comment dire, des Européens Et l'Allemagne, en fait, ça offre un décor occidental extrêmement romantique, en fait, pour eux. Et aussi, ce qui m'a fait vraiment beaucoup rire, c'est que quand ils se balancent des principes de philo à la gueule, ça... aucun contexte, moi j'ai rien compris à ce qui se racontait, mais je veux dire, ils auraient pu se résoudre des équations de maths dans le bar, ça aurait été pareil en fait, c'est comme si c'était du Beyblade en fait, mais avec des phrases de philo en mode « vas-y, moi je sors ma carte dialectique, ouais !» et c'est... ça n'a ni queue ni tête. J'ai une carte compte face cachée que je découvre, ah! Et en fait, ce qui est assez marrant aussi, c'est qu'il centre beaucoup sur l'histoire d'amour entre Marx et sa future femme, Jenny Westphalen, qui, elle, est fille de noble alors que ce n'est qu'un simple roturier. Et il y a un moment que j'ai trouvé très marrant, c'est qu'à un moment donné, il fait « Ah, mon but dans la vie, c'est d'aider les pauvres contre les riches qui dominent », enfin, en gros, il dit à peu près ça. Et ensuite, son père lui dit « Ah, t'as dépensé trop de thunes, tu vas sortir de ton université de province, elle a la grande université de Berlin ». Alors déjà, il l'envoie d'université qui coûte plus cher, enfin, je comprends pas trop la logique. Et ensuite, alors qu'il vient de dire « Ah, le classisme, c'est mal », il débarque dans sa nouvelle université, il fait « Oh, mais c'est trop bien ici, c'est énorme, c'est trop beau les bâtiments, mon ancienne université à côté, on dirait vraiment un trou à rats enfin, !» Le mec se contredit tout seul. Et enfin, ouais, c'est vraiment what the fuck pour le coup, quoi. Et l'animation est assez moche. Il y a des plans un peu plus travaillés, avec du cel shading, une espèce d'intrusion de la 3D en fait dans comment dire dans l'animation en 2D qui est pas génial quoi, même si ça se va, mais des fois il y a vraiment une économie sur l'animation avec genre du 3 images par seconde quoi, c'est extrêmement laid avec des mouvements de mains enfin voilà, on dirait vraiment des Playmobil quoi qui et des fois enfin sur les personnages qui font un peu de la figuration genre dans les foules hop on leur dessine pas les yeux, on en a rien à foutre. C'est assez drôle à ce niveau-là. Et donc voilà, du coup on pouvait ouais, Miu, vous voulez vous faire écouter le générique de fin et vous allez reconnaître les premières notes et après ça se barre très rapidement en live. Et bonne écoute. C'était la petite chronique sur l'anime du gouvernement chinois qui raconte la vie de Karl Marx. Moi, j'ai très très très envie que Milou en fasse une chronique et nous fasse un débrief d'un épisode chaque semaine. Je trouve ça extrêmement drôle. Et surtout, il va rencontrer Engels après. Ah, ils vont devenir BFF, Best Friend Forever pour la vie. Trop des bestas, ça va être mignon. On vous laisse avec un petit peu de musique avant de passer à la suite. L'insurrection avait maintenant 20 jours. On commençait à employer le terme de révolution. Pour l'instant, c'était la nuit sur la Seine. Les barricades du quartier des Halles semblaient dormir. Les insurgés rêvaient d'espoir. Ils rêvaient d'espoir. Javel, paraît qu'ils ont tué la grande Jeanne, celle qui avait pris la mairie au tout premier jour des combats, avant qu'ils ne bombardent les ponts. La guerre était totale, dedans fer à Pigalle, la capitale avait un idéal. Bébé était né sur le front d'Ivry avant que l'artillerie ait anéanti tout au sud d'Austerlitz. Comme un Waterloo, comme un Waterloo. La guerre était totale, dedans fer à Pigalle, la capitale avait un idéal. On a tous compris que c'était fini quand la bande Serge a lâché la porte maillot au paras. Mais la joie illuminait quand même les yeux, attendant la mort, car l'espoir était revenu sur la ville. Un jour, il y aura de nouvelles forces pour détruire le gris.